mes hommes m'ont fait douter de moi. Ton appel, tes promesses, je les serre dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai besoin de ton onction, car c'est ton onction qui brise le joug. C'est ton onction qui rend capable les hommes incapables. C'est ton onction qui enlève mon doute. C'est ton onction, j'ai besoin de ton onction. Oui, c'est ton onction. Car tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent.